Le temps nous file entre les doigts. Qu'en reste-t-il pour nous, ma douce? Faire des choix aussi pour soi. La fossoyeuse est un autre os. Pas question de vivre aux abois. De louvoyer entre les frousses. Le temps petit malin sournois. Vers la sortie, il nous repousse. Il n'y a plus que toi et moi. Au doux délire de nos rêves. L'instant d'après n'existe pas. Dans l'immobile qui s'enfièvre. Mieux vaut s'ancrer au cœur de nous. Pour mieux tenir tête aux tempêtes. On va devant, mais pour aller où? Qui peut prédire où ça s'arrête? Restons soudés dans les remous. Le cœur loin par-dessus la tête. Chouette vie de hibou debout. À décoder les devinettes. Il n'y a plus que toi et moi. Au doux délire de nos rêves. L'instant d'après n'existe pas. Dans l'immobile qui s'enfièvre. Voyage au long cours, bien trop court. Où tous les souffles se déduisent. Les plus chanceux trouvent l'amour. Ou des hasards qui s'éternisent. La vie n'est qu'un conte à rebours. Où parfois les rêves s'épuisent. Dans les détours des beaux discours. Au fond, la vie, ça s'improvise. Il n'y a plus que toi et moi. Au doux délire de nos rêves. L'instant d'après n'existe pas. Dans l'immobile qui s'enfièvre. On fait pour le mieux, c'est certain. Avec ce qu'on a dans nos poches. Ce qui nous tombe sous la main. On fait pour le mieux, on s'accroche. On ne sait rien des lendemains. Parfois radieux, mais souvent moche. On veut jouer au plus malin. S'évitant tous les reproches. Il n'y a plus que toi et moi. Au doux délire de nos rêves. L'instant d'après n'existe pas. Dans l'immobile qui s'enfièvre. Thank you.